de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Emmanuel. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Bien sûr, donc je suis Emmanuel Turquet, la fondatrice de la cuisine thérapie. J'ai créé cette méthode en 2015 et l'idée, en très très rapide, l'idée de la cuisine thérapie, c'est d'inviter des personnes à improviser en cuisine, donc à se mettre en cuisine sans recette, pour utiliser les ingrédients comme un langage métaphorique, pour parler d'eux-mêmes, exprimer des choses qui sont importantes pour eux dans l'instant présent. Donc c'est vraiment une alternative finalement à la verbalisation qu'on pourrait trouver chez un psy, parce que là, on passe du coup par le corps et par les émotions pour parler de soi. Et depuis quand est-ce que vous faites ça ? Alors, j'ai créé la méthode en 2013, et puis le temps de me préparer à la reconversion et de me former, j'ai lancé en 2015. Donc, ça fait 8 ans que je pratique la cuisine thérapie aujourd'hui officiellement. Est-ce que vous travaillez seule ? Alors, non, je ne travaille pas seule. De praticienne cuisine thérapie, je suis essentiellement devenue formatrice, c'est-à-dire que je forme des futurs praticiens à utiliser la méthode cuisine thérapie. Ces futurs praticiens, on en reparlera peut-être, mais c'est à la fois des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide ou des personnes qui sont en reconversion et qui veulent apprendre un nouveau métier. Et du coup, pour les former, je suis accompagnée d'une équipe, notamment d'une équipe pédagogique, qui sont 4 ambassadrices que j'ai formées préalablement, bien sûr, à la méthode et qui aujourd'hui m'aident à la déployer sur le plan pédagogique. Donc ça, c'est pour la partie vraiment pédagogique de mon accès. Mmh. Et puis après, je suis bien sûr accompagnée par des personnes qui m'aident sur les réseaux sociaux, sur les campagnes publicitaires, sur du coaching pour m'aider à grandir toujours dans ma posture de chef d'entreprise. Et comment vous est venue l'idée de faire une thérapie par la cuisine ? Alors, c'est un parcours personnel. Moi, il y a quelques années, quand je recevais à dîner, je me prenais des semaines à l'avance. Je compulsais des livres de recettes à la recherche de la recette la plus équilibrée, la plus waouh possible, parce que je voulais épater un peu mes invités. Et puis, bien sûr, que ce soit savoureux, gustativement parlant, etc. Donc, je ne pratiquais qu'avec des recettes et j'étais un peu contrôlante en cuisine. Je voulais absolument tout faire moi-même. J'étais super perfectionniste. Je me mettais une pression pas possible et j'avais aucune spontanéité en cuisine. Et puis, un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas pris mes recettes. Et là-bas, j'ai appris à cuisiner, du coup, complètement différemment. En lâchant avec l'objectif de résultat, en étant uniquement dans le plaisir de faire. Et je me suis rendu compte quand je suis rentrée en France que j'étais moins perfectionniste, moins contrôlante, que j'avais plus confiance en moi, que j'étais plus créative également en cuisine. Et que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser la cuisine sans recette pour aider des personnes à cheminer vers elles-mêmes, à mieux se connaître et à changer certains modes de fonctionnement. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Cuisine thérapie ». Dis-moi comment tu cuisines, je te dirai qui tu es. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, c'est le premier livre que j'ai écrit en 2016. L'idée, c'est vraiment de faire un livre très pratico-pratique pour inviter des personnes à se questionner sur leur relation à la cuisine au sens large. Quand je dis au sens large, c'est aussi bien dans leur histoire culinaire que dans leur façon d'inviter des amis chez elles ou de faire les courses ou de se comporter à table. Donc c'est vraiment tous ces petits moments de la vie culinaire qui peuvent, à mon sens, être matière à réflexion et nous donner des indications sur comment on est au-delà de la cuisine. Je prends un exemple tout simple, par exemple, l'exemple de la place à table. Est-ce que vous avez toujours ou non la même place à table ? Et qu'est-ce que ça peut éventuellement dire de vous, dire de votre faculté à sortir un petit peu des sentiers battus, à faire différemment, ou au contraire à vouloir que soient absolument respectées les habitudes que vous avez mises en place. Qu'est-ce que ça dit de votre appétence au changement, de votre capacité à aller vers l'inconnu, par exemple. Voilà, donc c'est toutes ces questions que j'ai rassemblées dans ce livre pour inviter à se questionner et à trouver soi-même ses propres réponses, parce que ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que le praticien ne sait pas pour la personne qui l'accompagne. Et il y a aussi évidemment des exercices de créativité en cuisine pour inviter du coup à créer et utiliser les ingrédients comme une palette de peinture pour parler de soi et pour ensuite rendre explicite ce qui a été créé dans une création culinaire. Vous proposez des ateliers et des formations en culinothérapie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors les ateliers cuisine-thérapie, je les propose depuis le départ aussi bien au grand public Donc ça peut être des adultes, des enfants bien sûr, des familles, des couples, des personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, des personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont un peur du regard de l'autre, qui ont des difficultés à sortir des sentiers battus. Donc il y a un ensemble de profils et un ensemble de problématiques aussi qu'on peut travailler auprès du grand public. Après, j'ai proposé des ateliers auprès de publics que j'appelle spécifiques, type résidents en maison de retraite ou encore patients toxicaux. Et également des scolaires d'ailleurs, des étudiants. Et j'ai également proposé des ateliers en entreprise, parce qu'en fait, quand on fait travailler une équipe en mode improvisation culinaire, il y a moyen ensuite de mettre de la conscience sur ça et de voir quelles peuvent être les transpositions à l'univers professionnel. Donc tout ça, c'est pour les publics des ateliers cuisine-thérapie. Et puis en parallèle, et c'est une grosse partie de mon activité aujourd'hui, j'ai formé des praticiens à la méthode pour qu'ils puissent devenir praticiens cuisine-thérapie. C'était pas l'objectif au départ. L'objectif, c'était de ne proposer que des ateliers. Mais en fait, j'ai été très vite confrontée à une demande croissante de personnes qui voulaient que je les forme à la méthode que j'avais créée en 2015. Et du coup, j'ai développé une formation pour transmettre toutes les clés pour s'approprier ce métier de praticien cuisine-thérapie. Est-ce qu'une personne qui a des problèmes de troubles alimentaires, par exemple de la boulimie, est-ce que le fait de faire de la cuisine-thérapie, ça peut lui permettre de stabiliser ses troubles? Alors, de toute évidence, la cuisine-thérapie, ça vient en complément d'une autre démarche d'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, que ce soit de l'obésité, de l'anorexie mentale ou d'autres troubles, on va d'abord s'assurer en tant que praticien cuisine-thérapie qu'elles sont suivies par ailleurs par une diététicienne ou un nutritionniste. Et ensuite, effectivement, la cuisine-thérapie peut être un accélérateur de prise de conscience pour des personnes qui sont souvent d'ailleurs en fin de parcours, qui sont en rémission, dont le parcours thérapeutique touche bientôt à sa fin, parce que ça va leur permettre de changer leur regard sur la nourriture. Les ingrédients ne sont plus vus comme une somme de protéines, glucides et de lipides, mais comme un moyen d'expression. Donc ça change la relation qu'on peut avoir avec la nourriture. Ça permet d'aller exprimer des choses autrement que par le seul verbal. Donc ça peut vraiment être une thérapie, la cuisine-thérapie, une thérapie qui est très complémentaire aux approches plus classiques de diététique ou de psychothérapie pour ce qui est des publics que vous évoquiez à l'instant, à savoir les personnes qui souffrent d'obésité. Vous avez récemment fêté les 10 ans de votre enseigne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, j'ai fêté les 10 ans de l'idée cuisine-thérapie, puisque j'ai eu l'idée en mai 2013, donc ça fait vraiment pile 10 ans aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai plutôt créé un an et demi après, que j'ai démarré en janvier 2015. Mais cet événement, il était vraiment très important pour moi pour retracer le chemin parcouru, donc ces 10 ans, comment l'idée avait émergé, comment la cuisine-thérapie s'était développée, quels avaient été les principaux jalons en termes de développement. Quelles avaient été aussi les difficultés que j'avais rencontrées en tant qu'entrepreneur, les enseignements, les apprentissages que j'avais faits tout au long de ce parcours. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de retracer tout ça, de dire aussi bien sûr où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la cuisine-thérapie aujourd'hui. On a accompagné plus de 6000 personnes avec cette méthode. Il y a plus de 200 praticiens qui sont aujourd'hui formés ou en cours de formation, et ce aussi bien en France qu'en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, au Québec, aux États-Unis. Donc vraiment, ça commence à se déployer très largement. Et puis ce qui était important pour moi, au-delà de retracer ce parcours et de dire où on en était, c'était aussi de dire où on allait et de donner à voir du coup sur les projets de la cuisine-thérapie pour les années qui viennent, et notamment un projet de recherche et de développement justement sur les troubles des conduites alimentaires pour apporter de nouveaux traitements thérapeutiques à ces personnes-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi, et puis aussi tout simplement de rassembler toutes les personnes qui ont compté à un moment ou à un autre dans le développement de la cuisine-thérapie, au-delà de l'équipe qui travaille avec moi au quotidien, pour prendre le temps de savourer et de célébrer cette belle victoire des 10 ans. Comment ça s'est organisé, un tel événement? Ça a dû demander de pas mal de temps et d'organisation. Oui, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Il se trouve que j'ai été accompagnée par la personne qui a créé le logo Cuisine Thérapie, Sonia, qui a été une petite fée pour créer une exposition des 10 ans, donc une rétrospective des 10 ans de la cuisine-thérapie au sein du lieu qu'on avait réservé spécialement pour l'occasion. Et puis après, c'est beaucoup de choses qui se construisent assez naturellement chez moi. J'aime beaucoup organiser ce genre d'événements et je suis assez dans ma zone de confort quand il s'agit de cela. Donc ça a été quand même un gros événement parce que surtout beaucoup de publics différents, à la fois des prospects le matin, des journalistes l'après-midi, des clients bien sûr, des praticiens qui sont venus fêter ça avec nous, l'ensemble de l'équipe, des coachs, que j'avais à cœur de revoir pour leur dire où j'en étais aujourd'hui, et puis bien sûr des amis qui m'ont soutenue sur l'ensemble de mon parcours entrepreneurial et que j'avais vraiment à cœur de remercier. Donc la difficulté était plutôt là, d'avoir à gérer plein de publics différents et de passer un même message à toutes ces personnes-là. Donc c'était ça un peu le côté qui était un peu complexe. Après, en termes d'organisation et de logistique, ça s'est super bien passé. On est vraiment tous très heureux de cet événement à Paris. Et quelle est l'actualité de Cuisine Thérapie? Est-ce que vous avez prévu d'autres choses prochainement ou pas? Oui, là, l'actualité, ça va être de préparer de nouveaux contenus pour inviter des personnes à se questionner sur la pertinence pour eux de rejoindre ou non la formation Devenir praticien cuisine thérapie. Donc, on a beaucoup de contenus à concevoir par rapport à ça. La deuxième actualité, c'est que je suis en train de créer la version 2 de la formation. Donc, je suis en train de revoir l'intégralité de la plus de 100 scènes de vidéos qui est sur la plateforme de formation pour devenir praticien cuisine thérapie. Et puis l'autre actualité, ce sera plutôt en novembre. Nous allons à nouveau faire des journées portes ouvertes de la cuisine thérapie. Ça va se passer en virtuel, donc en ligne. Il va y avoir plusieurs séquences pour présenter l'école, présenter la formation, l'équipe pédagogique, et puis permettre aux personnes qui hésiteraient à nous rejoindre d'échanger avec des praticiens cuisine thérapie. Donc ça va être un gros événement sur le mois de novembre prochain. Du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez me retrouver sur le site cuisine-thérapie.com et puis sur Facebook, Cuisine Thérapie, sur Instagram également d'ailleurs, et sur LinkedIn au profil de Emmanuel Turquet. Il y a aussi une page Cuisine Thérapie, donc on est assez présent sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne rien rater de l'actualité et des nouveaux contenus sur la cuisine thérapie. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à Cuisine Thérapie? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est encore plein de dizaines d'années à trouver à ce point ma place dans ce métier, dans cette aventure entrepreneuriale, et d'être toujours aussi émerveillée, enthousiasmée et euphorique par rapport à la cuisine thérapie. Et puis que plein de personnes nous rejoignent, parce que notre vision, c'est vraiment de faire de la cuisine thérapie une méthode d'accompagnement incontournable pour aider celles et ceux qui veulent aller mieux sans passer nécessairement par la case. Et pour cela, on a besoin de former des praticiens pour que demain, dans n'importe quelle région de France, d'Europe ou du monde, on puisse avoir un praticien cuisine thérapie en bas de chez soi pour s'aider dans les situations difficiles de la vie. D'accord. Cette interview est maintenant terminée. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était super. Merci Laura, ouais. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!